Radio Campus Lille, il est midi. That's my word. Get up in their face. Talk your shit. Let your nuts drag, nigga. These niggas just running at their fucking mouth, man. Follow protocol, blood. Get in their fucking chest. Vous pouvez écouter les programmes de Radio Campus sur le 106,6, sur le www.campuslille.com et sur le DAB+. Bon anniversaire Radio Campus. Treyway, these niggas said it hurt me. I ain't hurt you. Get the fuck up on my fucking face for me. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, sur Radio Campus. Bonjour, il est midi et 50 ans. Radio Campus, et que vous écoutiez sur campuslille.com ou sur 106,6 MHz, c'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et l'Action citoyenne. Pour vous servir à la réalisation, Florent, maître du temps et sélectionneur de la meilleure variété subversive française et annonceur des événements locaux qui valent le déplacement. De l'autre côté de la console, au micro, les intervieweurs qui sont trois aujourd'hui, en l'absence de Louis, Ludovic, René Lascience qui parlera aussi de l'activité d'attaque ici et ailleurs, et Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui? En mars, rappelez-vous, nous avons consacré notre émission aux Gilets jaunes. Cette fois, nous allons parler de celles et ceux qui ne font pas partie des Gilets jaunes. Ça fait quand même du monde, direz-vous. Il y en a plein à Croix, à Bondu et à Mouveau. Il y en a même trop, me souffle René. Hein ? Ça vaudrait sans doute le coup, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler. Non, nous allons plutôt parler de celles et ceux que 30 ou 40 ans de crise a rendu invisible, comme l'a si bien décrit le groupe de Jeter dans le livre « Sociologie de Lille ». En un mot, les absents de l'espace public, pour parler un peu sociologue. Pourquoi y a-t-il si peu de gilets jaunes à Roubaix? C'est le titre que nous avons donné à notre émission en copiant sans état d'âme celui de La Voix du Nord. Et c'est la question avec d'autres que nous allons poser à notre invité. Bonjour Julien Talpin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, même avec presque enthousiasme d'ailleurs, parce qu'on a compris que tu es un ancien d'attaque. C'est pas bien d'être ancien d'attaque. Julien est sociologue et il est membre du CERAPS, chargé de recherche au CNRS. Il est rédacteur en chef de la revue Participation. Auteur en 2016 de Community Organizing, au Lien qui Libère, une édition où Attaque sévit souvent, et de pas mal d'articles sur les luttes urbaines ici et ailleurs, écrits qui sont autant de références obligé pour celles et ceux qui militent dans les quartiers populaires. Pour maintenant, et pour 40 minutes ou 45 minutes, c'est Roubaix dont on va parler, et c'est René qui va poser la première question. Oui, alors tout d'abord une première question. Quelle est ton opinion justement sur les gilets, sur le mouvement des gilets jaunes? Alors, vaste question. Moi, je crois qu'on vit quand même une séquence historique et de surgissement des classes populaires, ou en tout cas une partie des classes populaires dans l'espace public. Et ce qui est en tout cas intéressant avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, c'est que d'un côté, ça a reposé la question des inégalités et des classes sociales au centre du débat public. Et c'est quelque chose qui va rester. Moi, j'ai envie de dire, on le voit encore cette semaine avec les débats qui entourent, par exemple, les dons pour la reconstruction de Notre-Dame. Il y a immédiatement des réactions sur la défiscalisation des dons, etc. Une forme de sensibilité à la question des inégalités, de la distribution des richesses, alors qui a toujours été là, mais qui est peut-être encore plus vivace. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes a contribué à remettre au cœur du débat public ces questions-là. Autre élément qui est au cœur du mouvement des Gilets jaunes, c'est la question démocratique. Le fait que, fondamentalement, s'il y a des problèmes d'inégalité et de répartition des richesses, c'est aussi parce que la distribution du pouvoir et la façon dont la démocratie est organisée dans notre pays est probablement loin d'être optimale et laisse assez peu de place aux catégories populaires. Et je crois que, notamment, une des revendications phares du mouvement, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, atteste bien de cette aspiration démocratique très forte qui anime nombre d'habitants et de gilets jaunes. Alors on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un objet tout à fait passionnant à suivre pour les sociologues et qui va laisser des traces. Oui, alors il y a une question aussi. Mais enfin, bon, qui sont les gilets jaunes ? C'est, on va dire surtout aujourd'hui, qui ne sont pas les gilets jaunes ? Qui ne sont pas les gilets jaunes ? On a parlé aussi pour eux d'invisibles. Hein, c'est des gens qu'on ne voyait pas à la périphérie, etc. Est-ce qu'il y a des études sociologiques poussées là-dessus ? Parce que même sur le CVPOF, j'ai pas vu des choses extrêmement précises sur la catégorisation sociale des gilets jaunes. Alors, il y a des éléments qui commencent à émerger. Bon, il y a notamment une enquête qui est menée par des collègues à Bordeaux. Il y a des choses qui se passent aussi pas loin d'ici, à Grenoble également. Globalement, on sait que, on va dire, c'est les fractions supérieures des classes populaires qui participent au mouvement des Gilets jaunes. C'est plutôt des actifs, en fait. C'est des gens qui travaillent, qui ont des postes d'ouvriers, d'employés, d'indépendants. Et donc, c'est des gens qui, au fond, ont un emploi plus ou moins stable, mais qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts. Donc ça, pour la catégorisation sociologique, voilà, fraction supérieure des classes populaires ou les petites classes moyennes, pour le dire comme ça, et plutôt des gens qu'on va trouver effectivement à la périphérie des grandes villes ou dans les zones rurales plutôt que dans les quartiers populaires. Ça, c'est un élément qui se dégage assez nettement. D'accord. Bon, maintenant, on va passer à la question sur pourquoi n'y a-t-il pas de gilets jaunes ou si peu de gilets jaunes à Roubaix ? Vas-y, René. Oui, donc, alors, justement, pourquoi ? Alors, ces quartiers populaires, comment se présentent-ils ? Est-ce que ce sont est-ce que tu peux nous faire peut-être une description un peu, justement, des différences entre ces populations qui y habitent et les gens des zones périurbaines qui constituent l'essentiel des gilets jaunes, on dira ? Alors effectivement, pour comprendre pourquoi à Roubaix, il y a eu peu de gilets jaunes, il y en a eu quelques-uns quand même, il y a eu quelques mobilisations, mais pas tant que ça, je crois que c'est assez clair. Faut comprendre qu'il n'y a pas de spécificité en réalité roubaisienne et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des quartiers populaires en France. Il y a eu peu de mobilisations auprès des gilets jaunes en Seine-Saint-Denis par exemple, ou les quartiers nord de Marseille, ou en périphérie de Lyon. Alors il faut toujours apporter de la nuance, c'est-à-dire il y a une participation parfois un peu ponctuelle ici ou là. Voilà, à Roubaix, il y avait un groupe gilet jaune qui a organisé un certain nombre de samedis des rassemblements, mais ils étaient rarement plus d'une dizaine. Et donc, c'est ça l'interrogation, c'est pourquoi le cercle n'est pas plus large. D'un côté, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a une sympathie, en fait, assez forte pour le mouvement. Moi, je le perçois dans les entretiens que je peux mener ou les discussions informelles que je peux avoir sur le terrain à Roubaix ou ailleurs. Une sympathie pour notamment les revendications en termes de justice fiscale, les revendications démocratiques, voilà, un sentiment d'inégalité très fort qui anime aussi les habitants des quartiers populaires, et en même temps, ils ne se sentent pas d'y participer. Alors pourquoi ? Alors effectivement, ce n'est pas la même sociologie en termes de population, c'est des gens qui sont plus précaires. Voilà, je disais que les gilets jaunes, c'était plutôt des petites classes moyennes ou les fractions supérieures des classes populaires. Clairement, Roubaix, on a 45% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On a un taux de chômage qui est supérieur à 30%. Si on regarde même plus en détail certains quartiers, moi je travaille beaucoup sur le quartier du Pil à Roubaix, par exemple, le taux de chômage officiel, c'est 55%. Et donc, on voit quand même que c'est des territoires qui sont très fortement marqués par la désindustrialisation et où les tentatives de ramener de l'activité économique ont assez largement échoué. Et ça, c'est un premier élément d'explication, je pense, pour comprendre la faible participation des habitants de Roubaix et plus largement des quartiers populaires au mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi des gens qui sont moins dépendants de la voiture, par exemple, pour se rendre au travail, puisque le travail est moins central. Et il y a des formes d'activité qui sont aussi plus localisées. On se rappelle que le mouvement des Gilets jaunes est au départ parti là-dessus, sur la question de la taxation du carburant et de la voiture. Il y avait aussi les 80 km/h, etc. Et très clairement, ce n'est pas des questions qui sont au centre des problématiques des habitants des quartiers populaires et des habitants de Roubaix en particulier. Après, ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres facteurs, me semble-t-il, très clairement. Le mouvement des Gilets jaunes est assez rapidement apparu aux habitants des quartiers comme étant un mouvement, ce qu'il est, un mouvement plutôt rural, plutôt périurbain et plutôt un mouvement de blanc, en fait. C'est comme ça souvent que c'est qualifié, alors qu'on sait qu'il y a une surreprésentation de minorités, de descendants de l'immigration dans les quartiers populaires, à Roubaix ou à l'Île-Sud ou ailleurs, hein, la Bourgogne à Tourcoing, c'est évidemment très, très clair. Et donc, il y a une question d'identification Au fond, il y a ce truc de ce n'est pas véritablement notre place, ce n'est pas notre mouvement à nous. Et donc ça, c'est un truc quand même qui est ressorti assez fortement. Oui, ça, ils te l'ont exprimé, ça, ce oui. que tu dis. Au fond, pour participer à un mouvement, pour se joindre à une lutte, il faut sentir qu'on y a sa place. Un élément qui, notamment au début, en fait, était pas mal ressorti. C'était il y a quelques mois, c'était fin novembre, au tout début du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait eu à la fois, je me rappelle, une femme voilée qui s'était fait agresser sur un rond-point. Il y avait des migrants qui, je crois, étaient cachés à l'arrière d'une voiture. Dans un camion. Dans un camion qui s'était fait dénoncer par des Gilets jaunes, etc. Et donc ça avait marqué quand même à l'époque un certain nombre d'habitants des quartiers avec qui j'avais pu échanger. Au fond, pour le dire très clairement, il y avait cette crainte que le mouvement des Gilets jaunes, au regard de sa sociologie, soit un mouvement potentiellement raciste. Et c'est une interrogation qui traverse depuis le départ. Est-ce que les Gilets jaunes sont pas Front National, Debout la France ? Et en fait, les Gilets jaunes sont extrêmement hétérogènes et c'est dur de trancher aussi clairement que cela. Mais au final, quand même, ce qui se dégage assez clairement des études qui ont été menées sur les Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui aurait pu, au regard de sa sociologie, être poujadiste et raciste, pour le dire très caricaturalement, et qui ne l'a pas été. Ou très marginalement, au regard des quelques anecdotes que j'ai évoquées là, qui ne l'a pas été pour tout un tas de raisons, mais également parce qu'il y a une forte réflexivité sur les ronds-points et de la part des Gilets jaunes qui avaient conscience que faire apparaître cette facette-là, qui peut animer certains des Gilets jaunes, ça aurait été, au fond, assez néfaste pour le mouvement, et ça aurait contribué à le diviser, et que c'était pas le cœur des revendications. La question sociale, la justice fiscale, la démocratie, c'était pas l'immigration. Et donc, mettre cette question-là à l'avant, ça aurait été probablement une erreur stratégique. Si bien que l'énigme est encore plus forte. Oui. C'est alors que ce mouvement aurait pu être un mouvement raciste d'extrême droite, il ne l'a pas été. Et malgré ça, les quartiers populaires ne s'y sont pas investis. Mais comme tu le dis, il y a un problème d'identification. C'est-à-dire effectivement, on a l'impression que l'appartenance de classe, finalement, elle est moindre dans les quartiers populaires, parce que finalement, ils auraient pu, au regard de leur appartenance objective à une classe relativement proche, se sentir extrêmement proche de ce mouvement et y participer. Voilà. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un autre facteur de peut-être de perception justement raciale qui fait que on ne s'investit pas dans ce mouvement parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement de blancs, des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc peut-être qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas le facteur ethno-racial qui prévaut en fait sur la lecture de classe? Alors effectivement, c'est une question. Mais c'est une question qui est importante et moi que j'essaye de traiter dans mes recherches au fond. Au fond, comment les gens s'identifient? Quels sont les nous et les identités collectives qui aujourd'hui existent dans les quartiers populaires suite au déclin de l'identité ouvrière qui a structuré en fait le rapport à la politique pendant tout le XXe siècle autour du mouvement syndical, des partis politiques de gauche, etc. Qu'est-ce qui a remplacé ça ? Clairement, moi, ce qui se dégage de mes recherches, et j'ai animé un projet de recherche pendant plusieurs années où on comparait aussi, on s'intéressait à cette question des identités collectives dans les quartiers populaires, à Roubaix, mais aussi ailleurs, à Vaux-en-Velin, en banlieue parisienne, etc. C'est que, clairement, l'identification de classe, elle s'est fortement effritée. Et que des gens qui disent « nous les ouvriers » ou même « nous les classes populaires », c'est très rare aujourd'hui. Une des raisons, c'est parce que le travail salarié à l'usine, etc., a très largement disparu et contribué à structurer cet élément-là. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même parfois des sentiments d'injustice, des colères qui sont liées au salaire des grands patrons, à l'évasion fiscale, etc. C'est des choses qui reviennent, mais qui ne sont pas suffisamment travaillées, parce que c'est aussi le rôle après des organisations collectives, des associations, etc., ou des partis de construire là-dessus. Et il n'y a pas grand monde qui est capable aujourd'hui de le faire dans les quartiers, en tout cas. Et puis à côté de ça, ce qui ressort effectivement pas mal, c'est que les gens s'identifient de façon croissante comme descendants de l'immigration, comme algériens, comme arabes, comme noirs, ou comme noirs et arabes, ou comme discriminés, qui sont principalement en fait ce que nous on appelle en sociologie des identités réactives. C'est-à-dire c'est des gens qui s'identifient comme ça parce qu'ils sont identifiés comme ça par les autres. Et en fait, ce qui ressort beaucoup de mes travaux à Roubaix, c'est que, au fond, les sentiments d'injustice, les colères des habitants des quartiers populaires sont beaucoup marqués par l'expérience des discriminations, et des discriminations ethno-raciales en particulier, qui font très régulièrement et quasi quotidiennement. Dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, dans le rapport au service public, dans les rapports à la police, à l'école, même l'orientation scolaire. Ils sont confrontés en permanence, ces Français, pour une très grande partie, descendants de l'immigration, à des expériences que, quand on n'y est pas confronté, on a parfois tendance à pas les voir ou à les minimiser. Et en fait, ça structure assez fortement le rapport au monde social. Et à force, au fond, qu'on désigne les autres par ces expériences discriminatoires comme autres, justement, comme pas tout à fait français, comme en les catégorisant comme arabes, musulmans ou autres, ça contribue à ce qu'ils s'identifient comme tels. Et donc, ça n'aide pas derrière à construire des convergences avec des mouvements qui ont d'autres identités. Ça, donc, Abrenez peut-être. Il y a aussi cette phrase que j'avais lue dans un article à propos du quartier du Pil, je crois, à Roubaix. Nous, ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes. Alors effectivement, derrière ça, et ça c'est quelque chose qui est effectivement très, très profondément enraciné, moi je crois, dans les quartiers populaires, c'est le sentiment que il y a des gens qui se battent, et qui se mobilisent depuis des années. Il y a des militants, et c'est important de le dire, au fond, contre parfois ce qu'on entend, l'idée que les habitants des quartiers seraient complètement dépolitisés, que, au fond, les quartiers populaires seraient des déserts politiques. Ce n'est pas vrai. Il y a depuis toujours, et quand bien même c'est très difficile, et on pourra revenir sur pourquoi c'est si difficile, mais quand bien même c'est difficile, il y a des gens qui se mobilisent dans les réseaux associatifs, dans des espaces de démocratie participative, dans des partis politiques encore, et qui essayent de faire bouger les lignes, et combien souvent le sentiment de ne pas être entendu. Et que souvent, ils appellent aussi à la convergence, ils appellent au soutien d'autres secteurs du mouvement social, d'autres secteurs du mouvement associatif, et ils ont souvent le sentiment de prêcher dans le désert. Où étiez-vous, au fond, quand nous mobilisions sur la rénovation urbaine ou sur telle ou telle question, vous qui aujourd'hui vous mobilisez sur les questions de taxation, ou vous qui êtes gilets jaunes? Et donc, vous appelez à la convergence ou vous vous interrogez sur le fait que nous, on ne converge pas sur vos luttes, mais vous n'êtes jamais venu voir ce qui se passait dans nos quartiers. Et ce qui est important derrière ça, c'est que ça a créé quand même à la fois une défiance à l'égard de certains secteurs du mouvement social, certaines associations, suite à une série de rendez-vous manqués. Et puis, cette absence de soutien, c'est quand même traduit aussi par beaucoup de défaites. Ce dont souffrent au fond les militants et les habitants des quartiers, c'est que c'est rare qu'ils soient entendus, en fait. Oui, en fait, tu interroges aussi toute la gauche en disant ça, qui est plutôt absente, et puis on le sait aussi par les résultats électoraux, catastrophiques à Roubaix. Je ne parle même pas des résultats par parti, je parle simplement de la participation au vote. J'ai vu que le quartier, j'ai lu dans les statistiques, c'est 13,47% de participation dans le quartier de l'Alma. Mmh. Et pourtant, là, il y a eu des luttes. Effectivement, il y a eu des luttes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la lutte urbaine de l'Almagar dans les années 70-80. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Alors, il y a encore des gens qui se battent. Il y a un centre social qui fait ce qu'il peut. Il y a des gens qui ont essayé de remonter un comité de quartier. Il y a des gens qui se mobilisent parce que le quartier de l'Alma va encore connaître un nouvel épisode de rénovation urbaine d'ici peu, où ils vont raser pas mal de logements. Donc, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent. Mais le truc, c'est que pour se mobiliser, il faut croire que ça en vaut la peine. Et moi, quelque chose qui ressort quand même fortement de mes recherches, c'est qu'il y a une sorte de désillusion très forte chez les habitants des quartiers populaires. Le sentiment qu'au fond, on vit dans un monde injuste, et il y a un sentiment d'injustice, des colères très fortes qui animent les habitants, que ce soit sur les questions de discrimination, sur les questions de logement, sur les questions d'inégalité sociale également, et en même temps, le sentiment que la partie est perdue, qu'il n'y a rien à faire, et que d'une certaine façon, les gens en face seront toujours trop forts. Ce sentiment de résignation face à l'incapacité de l'action collective et de l'action militante à changer les choses, c'est des années de défaite et des luttes inabouties qui l'ont construit. Alors ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, ça veut dire qu'il y a un travail militant encore plus fort à refaire pour pouvoir briser cette résignation, quoi. Une question de Ludovic. Résignation qui pourrait justement être battue en brèche justement depuis 4 mois avec l'éclosion de ce mouvement. Effectivement, on pourrait très bien imaginer que, fort de l'émergence de ce mouvement qui a quand même obtenu des choses. Alors, certes, c'est des miettes, mais je pense que en décembre, Macron et les élites ont eu peur, donc je pense qu'ils ont lâché des choses. On aurait pu imaginer que ça embraye justement. Mmh. Alors effectivement. Que ça soit du côté des quartiers populaires ou des syndicats, c'est un autre sujet qu'on va pas aborder ici. Mais voilà, c'est marrant de voir que finalement ça n'a pas embrayé. Alors sans doute pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Il y en a d'autres en fait. C'est-à-dire que l'énigme est d'autant plus forte que les secteurs militants des quartiers populaires aujourd'hui, on peut penser au comité Adama par exemple qui s'était constitué suite à la mort d'Adama Traoré, on peut penser ici dans la métropole par exemple au Front uni des immigrations et des quartiers populaires, que au fond ces secteurs militants là qui sont actifs dans les quartiers ont essayé de contribuer et de faire cette convergence. Typiquement le comité Adama, on a à la fois des gens qui sont très ancrés dans les quartiers populaires et ils ont été rejoints notamment par Édouard Louis qui lui vient plutôt d'un milieu populaire rural assez gilet jaune, pour le dire comme ça, et ils ont essayé d'organiser cette convergence. Ce qui est probablement un travail politique et militant qui est tout à fait louable. Et en même temps, il ne suffit pas que ces organisations militantes-là mettent leur énergie, incitent les gens à se mobiliser pour que ça se produise. Alors il y a d'autres raisons qu'on n'a pas évoquées, c'est un truc qui ressort beaucoup moi aussi dans mes enquêtes, c'est la crainte de la répression. C'est-à-dire, bon, le mouvement des Gilets jaunes a dû faire face à une répression policière farouche et quasiment inédite dans l'histoire de notre pays. Sans parler des nouvelles lois, etc. Et en fait, ce que disent les habitants des quartiers, c'est vous voyez ce que se prennent déjà dans la gueule les gens du périurbain, les blancs, etc. Si nous, on y va, ça va être 10 fois pire. Et on sera les premiers, au fond, à se prendre les coups de madraque, à se retrouver derrière, en prison, procès, etc. Et donc, cette expérience, au fond, assez régulière des violences policières dans les quartiers, cette défiance aussi à l'égard de la police, structure derrière le rapport à l'action collective et au militantisme en se disant c'est quand même hyper coûteux et hyper risqué pour nous d'aller se mobiliser. Alors on peut le déplorer, mais c'est quelque chose qui joue fortement. Au fond, un des enseignements de cette histoire, c'est que la répression et la violence policière payent. Ça désincite les gens à se mobiliser. Effectivement, c'est double. Effectivement, je voulais dire aussi revenir sur la résignation. Bon, ce qui marque aussi de ce qu'on a lu et de ce que j'ai lu récemment, ce que nous avons lu d'ailleurs, c'est qu'aussi il existe une organisation véritable à l'intérieur de ces quartiers populaires. Et je pense au collectif Rosa Bonheur qui montre avec un superbe article sur les garages à ciel ouvert, qu'il y a une vie véritablement active, en plus très conviviale d'une certaine façon, dans les quartiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît mal, parce qu'on ne connaît pas les quartiers populaires forcément. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tu as vu ailleurs, que tu... Roubaix étant assez exemplaire de ce point de vue. Alors effectivement, et c'est vrai que le travail du collectif Rosa Bonheur est tout à fait intéressant à ce sujet. Au fond, l'idée, c'est de se dire que contre une représentation un peu rapide des quartiers, qu'on pourrait voir comme traversée par le chômage, l'apathie, où il n'y aurait plus, au fond, que le deal ou des trafiquants tout genre pour que les gens s'en sortent, il y a à côté de tout ça, il y a en tout cas des formes d'organisation collective, plus ou moins informelles, pour faire face à la précarité. C'est au fond la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le travail salarié classique a très largement disparu dans des quartiers où on a, voilà, comme je disais tout à l'heure, 55% de taux de chômage. C'est-à-dire quand on rajoute les jeunes qui sont scolarisés, les retraités, etc. C'est-à-dire que la proportion de la population active est extrêmement, extrêmement limitée. En même temps, il y a tout un ensemble de pratiques. Alors, tu parlais des garages à ciel ouvert, il y a aussi tout un réseau de solidarité autour des gardes d'enfants, etc. Et dans la mesure où l'État-providence n'assure plus véritablement ce maillage social et ce filet de sécurité indispensable quand on est dans la précarité, les gens essayent de s'organiser comme ils peuvent. D'un côté, ça crée du lien. Et donc ça aussi, ça met en brèche l'idée que dans les quartiers, ce serait la guerre de tranchées, etc. Il y a du lien social peut-être plus qu'ailleurs, du fait de ces formes d'entraide où les gens se donnent des coups de main parce que, au fond, la situation sinon serait très difficile. Et puis, en même temps, ça crée du lien, mais peut-être serait-il préférable qu'un certain nombre de choses soient assurées par l'État ou des services publics. C'est aussi du fait du déclin des services publics que les gens sont obligés de s'organiser. En tout cas, effectivement, ce substrat-là, ces liens sociaux ordinaires que les gens tissent au fil des années, bah, ça pourrait constituer un support d'engagement, en fait. C'est-à-dire que les gens se connaissent, tous ces liens-là permettraient qu'à un moment, si quelqu'un dit « il faut qu'on se bouge contre ce projet de rénovation urbaine, etc. », c'est beaucoup plus facile de mobiliser ses voisins s'il y a des liens déjà entre eux que si vous êtes anonyme, quoi. Et donc, l'anonymat des quartiers populaires, c'est assez largement un mythe, en fait. Tout particulièrement peut-être à Roubaix du fait de la forme urbaine, en fait. C'est-à-dire que, par rapport à d'autres quartiers populaires qui sont très largement construits autour de bars, de tours, etc., Roubaix, ça reste encore quand même des petits HLM, des petits immeubles de 4-5 étages, voire beaucoup de maisons, en fait. Des maisons de 1850. Des courets aussi. Il y a beaucoup encore de courets qui ont, pour certaines, été transformés en logements sociaux, etc., qui ont été rénovés. Mmh. Bon, certains sont quand même dans un état un peu moyen. Hein. Mmh. Mais cette forme urbaine particulière contribue encore plus aussi à ces liens et à cette solidarité ordinaire, quoi. Oui, donc c'est une économie de subsistance qui est réelle, mais qui n'est pas sans inquiéter, j'imagine, les pouvoirs municipaux. C'est aussi une contestation qui pose problème. Enfin, tu l'as vu dans l'exemple de ton article où tu suis le quartier du Pile, où on veut rénover, ça a l'air de se faire maintenant en plus, en 2018-2019, pour aérer, pour... Et on va vendre des maisons qui ne sont pas du tout peut-être dans les prix, dans les tarifs que peuvent avoir les prix, que peuvent avoir les moyens que peuvent avoir les habitants, quoi. Alors effectivement, la façon dont les pouvoirs publics réagissent aux formes d'auto-organisation des habitants peut laisser songeur parfois. D'un côté, tu évoquais cette histoire des garages de rue, qui est très clairement une activité un peu traditionnelle à Roubaix, qui fait vivre des gens et puis qui rend des services, en fait, hein, parce que ça permet de réparer sa bagnole pour pas cher, a été la cible d'attaques. Il y a d'attaque de la part du pouvoir local et un arrêté municipal a été pris pour empêcher, au fond, hein, ces formes de garages de rue qui, au fond, créeraient de la saleté, ça ferait pas propre, au fond, dans le quartier, ça pourrait éventuellement désinciter des classes moyennes qui voudraient s'installer sur Roubaix. Donc on a d'un côté des formes d'attaques un peu comme ça, pernicieuses, sur les formes de subsistance des classes populaires. Et puis il y a aussi des attaques qui sont plus frontales sur les formes d'auto-organisation militante dans les quartiers populaires. Donc moi, j'ai pu suivre le travail de mobilisation d'une table de quartier qui s'était constituée dans le quartier du Pile à Roubaix autour d'un projet de rénovation urbaine. En fait, la ville, est dans le cadre d'un projet financé notamment par l'AMEL et par l'État, voulait assez largement raser le quartier du Pile, qui présente une certaine vétusté, c'est vrai, les habitants qui, pour certains, habitent dans le quartier depuis 10, 20, 30 ans et ont justement développé tous ces liens de solidarité, ces réseaux de subsistance qui leur permettent de faire face à la précarité, ont vu l'arrivée de ce projet de rénovation urbaine avec beaucoup d'inquiétude et donc se sont organisés collectivement avec l'aide de militants associatifs pour essayer de faire entendre leur voix et dire que quand bien même vous pouvez avoir l'impression que ce quartier est pourri, nous, on y est attachés et ce sera peut-être encore pire pour nous ailleurs et on veut y rester. Et donc, il y a un conflit assez fort qui s'est engagé avec la municipalité et qui a d'une certaine façon tout fait pour que ce collectif se désagrège et ne puisse véritablement obtenir gain de cause. Et c'est là où on touche une forme de paradoxe. D'un côté, on a un discours en permanence des institutions, des pouvoirs publics sur le fait qu'il faudrait faire participer les habitants, qu'il faudrait réintéresser à la politique, faire de la démocratie participative, etc. Et quand les gens se mobilisent et s'organisent selon leur propre forme dans les modalités qui sont les leurs, là, ça ne va pas. Et on leur met des bâtons dans les roues. Et je crois que c'est un peu problématique d'un point de vue démocratique. Et dans la foulée, on coupe toutes les subventions aux associations qui pourraient mobiliser effectivement dans ces cas-là. L'UPC, l'Université Populaire Citoyenne de Roubaix, est la victime de ça, comme bien d'autres, comme Attac d'ailleurs. À Roubaix-Tourcoing, on n'a plus de subventions de la part de Roubaix. Question, René. Oui, justement, donc là, on suite à ça, on constate que depuis plus de 30 ans, donc l'État a lancé ce qu'il appelle la politique de la ville. Et justement, c'est un échec. Est-ce que, d'une manière plus globale, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? C'est toi qui le dis que c'est un échec. Hein. Oui. Alors, est-ce que la politique de la ville est un échec ? Bon, l'idée de la politique de la ville, c'était principalement de donner des moyens supplémentaires pour les quartiers, les territoires qui concentrent la précarité et la pauvreté. Ce qui, moi, me semble plutôt une bonne idée. A priori, c'était une façon d'organiser spatialement la redistribution des richesses, de dire, au fond, c'est pas qu'une question de revenus, et donc on va transférer des revenus sociaux, par exemple, ce genre de choses, mais c'est aussi de travailler sur le bâti, sur les immeubles, sur le réseau associatif, etc. Mais en fait, le problème fondamental de la politique de la ville, c'est qu'elle n'a en aucun cas contrebalancé le fait que structurellement, en France, on donne plus à ceux qui ont plus et moins à ceux qui ont moins. Et donc le problème fondamental, il est là. C'est que depuis des décennies, en France, collectivement, on fait le choix de donner davantage de ressources aux quartiers et aux populations les plus privilégiées et de défavoriser structurellement, notamment en termes d'investissement public, les quartiers les plus précarisés, les quartiers les plus pauvres. Pour ne prendre qu'un exemple, le cas de l'éducation, par exemple, est tout à fait parlant. On investit beaucoup plus de ressources publiques sur les lycées publics et plus encore sur les classes préparatoires que sur les lycées de ZEP ou sur les lycées qui sont ou les écoles même hein, situées dans les quartiers populaires. Et donc ce choix, alors qui peut être justifié par la méritocratie, la nécessité de former une élite, etc., je ne sais pas, mais qu'en tout cas une continuité d'ailleurs des gouvernements de gauche ou de droite depuis au moins les années 80 voilà, explique à bien des égards les inégalités, le fait que au fond la politique de la ville n'est pas réussi à contrebalancer. C'est-à-dire que si d'un côté vous donnez des cacahuètes avec la politique de la ville en donnant quelques milliards, mais que toutes vos autres politiques publiques au fond contribuent à accroître les inégalités, ça ne peut pas marcher. Et donc moi, c'est la position que je défends en tant que chercheur engagé. Ce n'est pas tant de dire il faut supprimer la politique de la ville parce que c'est un échec. Il faut le faire sérieusement. Il faut que véritablement, on donne plus à ceux qui ont moins et donc on donne véritablement les ressources qui permettent aux habitants des quartiers populaires et aux classes populaires les plus précarisées de se développer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après, ce n'est pas du tout la tendance du gouvernement actuel, puisque là, on va plutôt dans la direction de la remise en cause de la politique de la ville. Je pense d'ailleurs que ce sera probablement un des effets du mouvement des Gilets jaunes. D'une certaine façon, on peut dire que justement, les classes populaires périurbaines et rurales se sont mobilisées, et donc on va vouloir, pour calmer la colère, investir. Et c'est probablement nécessaire, des ressources en direction de ces territoires-là. Et alors que les quartiers populaires ne se sont pas mobilisés, au fond, si on ne gueule pas, on n'a pas grand-chose, quoi. Et donc, ça va justifier et accélérer probablement quelque chose qui est dans l'arrière-pensée du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron depuis le départ, qui est de donner moins aux quartiers populaires. Oui, alors effectivement, donc il y avait ce rapport, même la gauche, hein, tu as parlé de l'actuel gouvernement, mais il y a eu le rapport qu'avait fait Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mekmach, qui passe en nous, en fait, qui est plein d'espoir, enfin, qui montrait un certain nombre de pistes possibles, qu'on pensait que ça allait pouvoir prendre à Lille avec François Lamy, qui a été proposé par Martine Aubry comme la députation, mais ça a complètement foiré, on l'a complètement oublié. Enfin, je ne sais même pas ce qu'il fait, cet homme, d'ailleurs. Mais... Alors, il est possible que François Lamy arrive à Roubaix. Voilà, il est assez proche de certaines listes de gauche qui se préparent pour les municipales. Il ne sera probablement pas tête de liste, mais je n'ai pas d'informations ou de scoop à vous révéler. Mais il est assez présent sur le territoire roubaisien. Alors effectivement, tu évoquais le rapport Baquet-Mekmach, effectivement donne une feuille de route sur comment on pourrait faire autrement pour redonner du pouvoir d'agir aux quartiers populaires et sortir de la concentration de la précarité dans ces quartiers-là. Et très largement, en fait, les propositions qui ont été formulées à l'époque, donc c'était en 2014, ont été balayées d'un revers de la main par le gouvernement. Il n'en est pas ressorti grand-chose. Alors, il y a les conseils citoyens qui ont été créés, mais qui n'étaient pas en réalité vraiment ce que proposait le rapport Baquet-Mekmach, qui, eux, invitaient à la création de tables de quartier. Bon, alors, c'est une question de le nom, mais pas uniquement. L'idée, c'était, des tables de quartier, c'était de permettre des formes d'organisation autonome des habitants qui n'auraient pas forcément la même forme partout et qui ne seraient pas contrôlés par les élus ou la préfecture, comme c'est le cas des conseils citoyens aujourd'hui, qui sont en fait assez peu autonomes des pouvoirs publics. Il y a un rapport qui vient de sortir, qui a été réalisé par la Commission nationale du débat public, par exemple, sur les conseils citoyens, qui indique bien qu'à ce stade, après 3 ans d'existence, c'est assez largement un échec et ça n'arrive pas à remobiliser les gens. Les tables de quartier, c'était autre chose. C'est un peu ce que j'ai pu observer à Roubaix, où ils ont essayé de lancer un peu de façon expérimentale ce type de choses, où on s'organise sans, voire parfois contre les institutions, parce que c'est aussi par le rapport de force qu'on peut se faire entendre. Il n'y a pas que la construction. Autre idée intéressante, me semble-t-il, qui était émise dans le rapport Bakay-Meshma, c'était de dire que si on veut que les habitants des quartiers puissent se mobiliser collectivement, il faut leur donner des moyens. Et qu'aujourd'hui, les moyens pour s'organiser, et notamment les moyens en direction du monde associatif, sont très largement dans la main des pouvoirs locaux. Aujourd'hui, c'est le maire qui fait la pluie et le beau temps et qui décide si telle ou telle association doit obtenir ou pas une subvention, si bien que, bien souvent, les associations locales sont prises dans, un peu entre le marteau et l'enclume. Soit on ne fait pas trop de vagues et on continue à être soutenu par le pouvoir local, soit si on commence à entrer dans des rapports de force, le risque, c'est qu'on perde ses subventions et qu'on perde éventuellement ses salariés. Tu évoquais tout à l'heure l'Université populaire et citoyenne qui, suite à la mobilisation sur la table de quartier du Pile, a perdu ses subventions et a été obligé de licencier ses salariés. De la même façon, une association de jeunes, la NRJ, qui était investie dans la table de quartier, pareil, a perdu son local, ses subventions, ses salariés, suite à cette mobilisation-là. Et donc, ça coûte cher de se mobiliser. Et donc, le rapport Bakay-Meshma proposait de changer assez radicalement en fait, les modalités de financement de la vie associative en France, peut-être même au-delà des quartiers populaires, pour sortir de cette mainmise des pouvoirs locaux sur le financement associatif qui crée ces relations clientélistes et de dépendance, en disant qu'il fallait peut-être renationaliser ces financements, créer une sorte de commission nationale qui pourrait être composée de citoyens tirés au sort, d'experts, de hauts fonctionnaires, peu importe, qui viendraient financer sur des appels à projets ou sur des subventions aussi à plus long terme pour sortir des appels à projets. Voilà, ils avaient l'idée de créer ce fonds d'interpellation citoyenne pour faire vivre aussi cet empowerment qu'ils appellent de leur vœu, ce pouvoir d'agir qui était un peu au cœur du rapport Bakay-Meshma. Oui, en même temps, c'est ce que tu as pu observer. Ce financement a existé aux États-Unis en même temps, si j'ai bien compris. Alors c'est surtout au Canada, en fait. Canada. Aux États-Unis, en fait, les associations dans les quartiers, moi, que j'ai pu étudier, reposent beaucoup, en fait, sur le soutien de fondations philanthropiques privées, qui sont souvent, en fait, assez radicales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il en existe, en tout cas, des fondations de gauche, pour le dire comme ça. Au Canada, en revanche, il existe une sorte de fondation publique du contre-pouvoir. Quelque chose qui est quasiment inimaginable en France, mais voilà, c'est une sorte de grand fonds national où on viendrait abonder le fruit des impôts, hein, d'une certaine façon, mais qui, ces fonds ne sont pas alloués par les élus ou par des techniciens municipaux, mais décidés de façon collective, et ça permet de financer des gens qui ne seraient jamais financés en France. Voilà, par exemple, si on avait un fonds d'interpellation citoyenne aujourd'hui, on pourrait peut-être soutenir financièrement des collectifs de gilets jaunes qui, aujourd'hui, ont de plus en plus la volonté de s'organiser collectivement, d'avoir des lieux, des espaces, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément des salariés ou de l'argent pour s'organiser, mais à un moment, ça peut aider, quoi. Ce qu'ils disent souvent, moi, dans les associations que j'ai pu étudier aux États-Unis dans les quartiers, c'est, au fond, au regard de la force de nos adversaires, si à un moment, nous, on n'a pas des ressources... si ce n'est une équivalente, mais au moins un peu des ressources pour s'organiser. Et donc, ça veut dire des locaux, des salariés, des gens qui vont pouvoir faire le travail militant qui est nécessaire pour créer le rapport de force, la partie est perdue. Et qu'on ne pourra pas créer un rapport de force suffisant simplement en reposant sur le bénévolat. Oui, alors, mais ce rapport de force, il a quand même existé à une époque, dans les villes ouvrières en particulier, mais avec les partis et les syndicats quand même. Et avec, y compris les municipalités, je pense à Tourcoing et Roubaix, qui ont créé eux-mêmes leur prud'homme, en fait. Donc, il y avait bien un soutien quelque part. Et là, il y a un isolement, là. Comment mobilise-t-on aujourd'hui ? Comment peut-on mobiliser aujourd'hui ? Alors effectivement, moi je crois et moi je rêve d'une certaine façon, j'appelle de mes voeux à la reconstruction d'organisations populaires du 21e siècle en fait, qui pourraient s'inspirer, mais pas non plus recopier ce qu'a été le mouvement ouvrier au 20e siècle, où on avait le parti, le syndicat, on avait aussi des coopératives. Moi j'avais travaillé sur les maisons du peuple au début du 20e siècle à Roubaix, et qui ont joué un rôle hyper important en fait dans la construction de la conscience de classe en fait des ouvriers qui au départ venaient à la maison du peuple pour acheter du pain ou du charbon pas cher, et puis parce qu'ils rencontraient des militants, parce qu'ils allaient boire des coups, parce qu'ils aller à des conférences, et se sont politisés. C'est comme ça qu'ils sont devenus ouvriers. Et moi, je pense qu'on manque de lieux, d'espace, justement, aujourd'hui, notamment dans les quartiers, mais probablement pas seulement, où on puisse entremêler des espaces où on fait de la politique, des espaces où on va se rendre des services, des espaces de subsistance aussi, et des espaces où on fait du sport, etc. Ou voilà, des sortes de maisons du peuple du 21e siècle qui permettent de s'organiser collectivement. Mais pour ça, il faut effectivement des moyens. Et puis, il faut peut-être sortir de certaines routines du monde associatif et du monde militant. Moi, je crois que les difficultés des démobilisations dans les quartiers à Roubaix et bien au-delà, en fait, elles tiennent d'un côté à toutes les formes de répression à bas bruit et d'hostilité de la part des pouvoirs publics, qu'on a déjà pas mal évoqué. Et il y a aussi peut-être certaines routines dans les mondes associatifs qui mériteraient de bouger. C'est-à-dire que moi, ça m'a notamment frappé quand je suis revenu d'Amérique du Nord. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément copier les États-Unis, mais il y a peut-être des idées quand même sur notamment comment mobiliser les gens qui peuvent être intéressantes. Ça m'a notamment frappé quand je suis revenu des États-Unis de voir qu'en France, au fond, quand on veut s'attaquer à un problème, on organise une conférence. On organise un débat, et souvent, on fait venir un sociologue comme moi, en fait. Alors moi, je suis très content, je vais souvent, comme ça, dans des assos et tout, faire un travail d'éducation populaire, et c'est souvent très riche et absolument nécessaire. Le problème, c'est que ce mode d'action-là ne permet pas toujours de toucher les classes populaires et les plus éloignées du politique. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin, aujourd'hui, si on veut remobiliser les classes populaires, d'avoir des modes d'action beaucoup plus directs. Et il faut, mettre en place des campagnes qui permettent d'obtenir des petites victoires. On a beaucoup parlé en début d'émission de la question de la résignation, de la perte de la croyance dans la capacité du militantisme et de l'action collective à faire bouger les lignes. Ce qui peut briser cette résignation, c'est d'obtenir des victoires, de montrer que la lutte paye et que ça vaut le coup de s'engager et de passer des soirées, plutôt que de regarder la Ligue des Champions à la télé, peut-être de passer une soirée à discuter collectivement comment on peut faire pression sur le bailleur pour que l'ascenseur soit réparé. Et c'est en s'organisant collectivement et en obtenant des victoires qu'on va pouvoir briser cette résignation. Et pour obtenir ces victoires-là, c'est pas suffisant de faire de l'éducation populaire. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, je pense, d'organiser des débats, etc. Il faut avoir des modes d'action beaucoup plus directs. Et c'est ce qu'a réussi à faire, d'une certaine façon, la table de quartier du PIL à Roubaix, qui était sur un truc très concret. D'un côté, ils faisaient des permanences logements, où les gens venaient un peu se renseigner sur est-ce qu'on va détruire ma maison ou non. Ou en même temps, ils allaient faire du porte-à-porte dans le quartier pour essayer de recenser les besoins des habitants. Est-ce que vous voulez rester dans le quartier? Est-ce que vous voulez déménager si demain votre maison est détruite? Et puis qu'organisaient des assemblées pour réfléchir collectivement à la forme que peut prendre le futur quartier. Puis, par ailleurs, des moments d'action plus directs, on allait faire des manifs devant la mairie, on faisait des pétitions, etc. Et c'est ça qui a marché, c'était des trucs où on est dans le concret, on a des revendications très, très précises, et je pense qu'on peut se nourrir de ce genre de choses, et qu'on a parfois tendance à être sur des modes d'action un peu trop intello, en fait, dans le monde associatif. Oui, alors effectivement, mais... Merci pour le temps. Il nous reste 2 minutes. Oui, j'allais poser la dernière question. Mais effectivement, pour le quartier du Pil, il y a ces questions des maisons à 100 000 euros ou 180 000 euros, tu m'as dit. Est-ce que ce n'est pas un bout de défaite ou c'est... Qu'est-ce que tu peux en penser en 1 minute 50 ? Alors effectivement, il y a eu une mobilisation des habitants très importante dans le quartier du Pil et ils ont perdu sur pas mal de points. Dans le sens où des gens qui voulaient rester dans ce quartier-là ont été obligés de déménager. Ils voulaient que pas mal de maisons qui ne soient pas détruites, elles le seront quand même. Il y a eu des petites victoires sur quelques éléments, sur la construction d'un foyer de personnes âgées, sur le fait que certains habitants historiques du quartier puissent y rester. Et ces victoires-là, elles ont pesé quand même sur les gens. Et c'est-à-dire que se mobiliser collectivement, ça leur a aussi redonné, au fond, une forme d'espoir, une forme de dignité face à une forme de mépris social, souvent, qui se prennent dans la figure, dans le fait de ne pas être consulté. Au fond, quand on, ça fait 30 ans qu'on habite dans un quartier et que demain, on vous dit que vous allez devoir partir et qu'on va raser votre maison, eh ben, au fond, on se dit, au fond, moi, mon avis, il vaut rien. Moi, je vaux rien, quoi. Et donc, ma vie ne vaut rien pour les pouvoirs publics et les élites qui nous gouvernent. Et donc, réussir à se mobiliser collectivement, à faire collectif et à obtenir des petites victoires, bah, pour la personnalité des gens et leur estime de soi, c'est hyper important. Et donc ça, ça a quand même été important. Après, ça n'a pas été, suffisant. Et il y a des enseignements à tirer, à mon avis, de pourquoi il n'y a pas eu une victoire plus forte. Et on pourra peut-être en discuter à l'occasion d'une autre émission. Oui, on va... Une question, simplement. Ça montre aussi combien les pouvoirs publics... oublie le facteur humain, en fait, de manière dont... Bah, oublie le facteur humain, eux, très clairement. Et le projet de la municipalité de Roubaix aujourd'hui, c'est de faire venir des classes moyennes et de faire partir les pauvres de Roubaix pour changer l'image de la ville. Ça, c'est clairement le projet politique de la municipalité à Roubaix, de faire partir les pauvres, parce qu'on a beaucoup de mal à faire venir des classes moyennes à Roubaix. Et donc, au moins, en faisant partir des pauvres, peut-être que la ville sera un petit peu moins pauvre. Oublier le facteur humain et puis oublier le facteur démocratique. On a une culture politique et démocratique où l'élu a le monopole de la définition de l'intérêt général et on a du mal, en France, à imaginer des façons de faire beaucoup plus collectives. Et je crois que c'est un des enseignements qu'il faut tirer du mouvement des Gilets jaunes. On ne peut plus décider de façon verticale, tout seul, dans sa tour d'ivoire de la mairie ou de l'Élysée. Il faut inventer des modes de gouvernement beaucoup plus collectifs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Julien, de cet enthousiasme dont tu parles, avec lequel tu parles, et de la conviction surtout. Merci beaucoup. On va peut-être passer à une pause musicale, Florent. Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman. Qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lui salais dans ma mémoire, je lui salais, je lui salais. Donc c'était Je veux du soleil, un clin d'œil au film éponyme. Donc. Merci René, va nous parler de l'actualité d'attaque ici et ailleurs. Vas-y René. Oui, alors au plan national, donc les 15 et 16 mars, une mobilisation historique pour la justice sociale et climatique. Plusieurs centaines de milliers de manifestantes et manifestants partout en France ont répondu vendredi 15 et samedi 16 mars à l'appel de la marche des solidarités, du mouvement des Gilets jaunes et de la marche mondiale pour le climat, dans plus de 210 rassemblements. Vendredi 15 mars, plus d'1 400 000 jeunes ont fait la grève pour le climat dans plus de 200 pays sur les 5 continents. Et le samedi 16 en France, les manifestations pour la justice sociale et climatique ont réuni autour de 350 000 participants et participantes. Ouais, pour le coup, il y a eu, on parlait tout à l'heure de gilets jaunes. Les gilets jaunes, on s'est bien adapté, oui, on bien suit le mouvement. Avec les sociologies différentes. Hein. Bon, après, c'est un autre sujet. Oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait les mêmes manifs. Le traitement de la police n'est pas le même non plus. Oui. En effet. Soutien à Geneviève Leguet partout en France. On soutient la militante d'attaque blessée à la tête à la suite d'une charge policière à Nice le samedi 23 mars durant l'acte 19 des Gilets jaunes. Des initiatives de soutien des comités locaux se sont manifestées dans toute la France. Un appel à signature dénonçant les contre-vérités et les contre-feux qui visent à dédouaner l'État, les autorités locales et les forces de l'ordre de leurs responsabilités a été lancé par attaque. L'organisation a adressé une lettre ouverte au président de la République et demande la démission du procureur de Nice et du ministre de l'Intérieur. Le dépaysement sans délai de cette affaire et que soient garanties les conditions de l'exercice d'un droit essentiel en démocratie, celui de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son opinion. Attaque ainsi que la famille de Geneviève, ont déposé plainte pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique sur personne vulnérable. Voilà, bon entendeur, salut. On va défendre les libertés de manifester, René. La loi adoptée par l'Assemblée nationale qui prétend encadrer le droit de manifester reste, malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel, une atteinte grave aux libertés publiques et à l'équilibre des pouvoirs. Un grand nombre d'organisations, dont ATTAC, appelées à manifester et à se rassembler le samedi 13 avril. Campagne Union européenne, décrypter et désobéir. Dans le cadre de cette campagne, qui a déjà amené la sortie du livre « Cette Europe malade du néolibéralisme » en collaboration avec la Fondation Copernic, plusieurs comités locaux ont prévu l'organisation de ciné-débats et réunions publiques sur le fonctionnement de l'UE, l'euro, les perspectives des prochaines élections, etc. La campagne européenne des règles pour les multinationales, des droits pour les populations, cette campagne, lancée le 22 janvier pour la justice fiscale, sociale et écologique, par un collectif de 200 organisations au niveau européen, répond à de nombreuses revendications et exigences que porte ATTAC. Elle s'étend sur toute l'année 2019, avec plusieurs temps forts, poursuit les objectifs suivants. Révoquer les clauses d'arbitrage entre investisseurs et États dans les traités de libre-échange, appuyer les négociations et la ratification d'un traité onusien sur les multinationales et les droits humains, ainsi qu'adopter une directive européenne sur le devoir de vigilance. La pétition du 22 janvier a déjà recueilli 560 000 signatures. Dans ce cadre, ATTAC lance une campagne d'éducation populaire relayée par les comités locaux à partir de fin avril et a déjà publié plusieurs communiqués, comme sur la taxe GAFA, une fausse solution à l'évasion fiscale. Le 16 avril, Emmanuel Macron, qui n'a pas entendu la demande de justice fiscale, sociale et écologique. Et le 17 avril, ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis, un mauvais coup pour la démocratie, les multinationales se frottent les mains. Et au plan local, donc le samedi 16 mars, nous étions présents à la manifestation locale pour la justice sociale et climatique. Le 27 mars, nous avons aussi apporté notre manifestation de soutien à Geneviève Leguet, donc sur la place de la République de Lille. Et l'inévitable parc Saint-Sauveur. Voilà, les trois comités locaux ATTAC de la métropole sont signataires du rapport complémentaire réalisé par Parc Saint-Sauveur sur la situation réelle de Lille en matière d'environnement. dans le cadre de la candidature de Lille, capitale verte européenne. Enfin, avec plusieurs ateliers et débats, Attaque Roubaix-Tourcoing, donc le lundi 8 avril à la MDA de Tourcoing, c'était un débat sur le climat avec Alain Van de Voorde d'Attaque Flandre. Et un second débat est prévu le 9 mai à la FAL de Roubaix. Et Attaque Lille, le samedi 13 mars à la Mresse, proposait un atelier de réflexion sur la gratuité à partir de l'ouvrage de Paul Ariès, Gratuité versus capitalisme. Enfin, notre collectif Gratuité des transports en commun, une rencontre avec la mairie de Roubaix a eu lieu le mardi 9 avril. Notre projet de recherche participative en collaboration avec l'Université de Lille sur la mise en place de la gratuité des transports à Roubaix est retenu. Et nous avons créé un blog qui sera bientôt accessible sur le site d'Attaque France. Okay. On passe à l'agenda militant. Donc le vendredi 26 avril à 20h, ciné-débat avec la projection Jeux du Soleil, avec le soutien des Gilets jaunes, Tourcoing et alentour. Donc c'est à la CGTUL de Tourcoing, 43 rue de Lille. Donc je ne représente pas ce film de François Ruffin et de Gilles Perret. Le dimanche 28 avril à 19h, au cinéma L'Univers Projection d'Aguirre, La Colère de Dieu, avec la revue Z. 2019, énième coulée de béton culturel labellisée Lille 3000 et attractivement intitulée Eldorado. Sauf que Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est pas la cité d'or. Alors pour saboter les conquistadors, l'équipe Delnor-Pat-Cado complote quelques interventions à l'univers et ailleurs. Acte 1, scène 2. Sur le film en question, au XVIe siècle, une expédition espagnole part à la recherche de l'Eldorado. Aguirre, l'un de ses lieutenants éliminés et mégalomane, lance une mutinerie après qu'un arrêt des recherches a été ordonné. Il fait exécuter les partisans de l'ancien chef, puis embarque avec ses hommes à bord d'un radeau. En quête de la cité d'or, il s'enfonce dans la jungle de leur folie. Fantastique film. Pour continuer dans la critique de la politique de Lille, présentation du livre aux éditions Etac, intitulé « Contre Euralille ». Donc, ça sera la librairie Le Bateau Livre, le 30 avril à 18h30. Mercredi 1er mai, premier jour du festival « Les mauvais jours finiront » avec manif, projection, concert, cantine, théâtre, kermesse. Ça commence à 13h après la traditionnelle manif du 1er mai. Ça sera l'hybride à 18 rue Gosselet à Lille, avec une petite bouffe, suivie d'une cantine à 19h et une projection de deux documentaires qui sont tournés dans la métropole. Donc, Nos poumons, c'est du béton et également Les bains-douches sur Les bains-douches à Fives. Vous pouvez retrouver tout le programme pour les 4 jours suivants sur lesmauvaisjoursfiniront-lille-tout-attaché.wordpress.com. L'association marocaine des droits humains organise un événement sur 2 jours, les 3 et 4 mai, avec débats, livres, expos, films, dîners-concerts, musique et poésie. Donc le 3 mai à 18h30, table ronde sur la lutte des femmes contre les différentes formes de violence, suivie d'un pot et vernissage de l'exposition et d'une session slam et poésie. Le samedi 4 mai, documentaire à 17h, exil à domicile sur la communauté des femmes arabes de Grande-Synthe. Ça sera aux espaces Acacia, place, alors je ne sais pas comment se prononce, Angès, je crois, à Elem. Angers. Suivi d'une table ronde sur la migration au féminin, violence et discrimination souvent occultées. L'autogestion, échange de réflexions et de pratiques, ça sera une discussion à la maison des associations de Mont-Saint-Barœul, 8 rue d'Alsace, donc à Mont-Saint-Barœul, le samedi 4 mai à 10h, organisé par CLIS 21. Donc, comme beaucoup de collectifs qui ont choisi de fonctionner de façon collégiale, horizontale, autogérée, ils interrogeront les pratiques, la place de chacun et chacune, la circulation d'informations, le partage des responsabilités, le rapport individuel collectif, l'accueil de nouveaux, etc., etc. Le jeudi 9 mai à 19h, à la maison des associations de Tourcoing, cette fois, 100 rue de Lille, conférence climat, défense du vivant, de l'urgence d'agir, les écosystèmes. Le sujet en particulier, c'est multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, effondrement sans précédent des espèces, dépassement des limites, que risquons-nous ? Comment combattre la finance, les pétroliers, les décideurs ? Donc venez en débattre avec l'invité Alain Van de Voorde et les militants d'Attaque Flandre. Voilà. Date de... Le 9 mai à 19h. Et tu peux ajouter que le 22 mai attaque Villeneuve d'Ascq, invite François Ruffin et avec Hugo Bernalicis. On en reparlera à la prochaine émission. On en reparlera à la prochaine émission. C'était le 22 mai. Le 9 mai, c'est la Falle de Roubaix. Pour le... C'est au théâtre de Roubaix ? Je crois. Oui. Est-ce que c'est ce que je... Bon, on en reparlera. Bon, petites erreurs de fin d'émission, c'est pas anormal. On va vous souhaiter un bon week-end, et puis il est prolongé ce week-end en plus. Il y a un jour de plus à ce week-end. Oui. Bien, prenez soin de vous, et à la prochaine émission. Bientôt. Au revoir. L'assiette était belle, mais les petits pois trop secs. Oh, l'hiver est fini, et pourtant rien ne coûte bon. La purée était douce, mais la saucisse trop cuite. Oh, l'hiver est fini, et pourtant rien ne coûte bon. Expérience ratée, mais avis trop renouvelée.